Le masque de Svet. Une fine pluie d'été tapait sur la tôle, ponctuant la somnolence du matin. La canicule s'était estompée depuis quelques jours déjà, mais l'air restait humide. Dans le cabanon de fortune en contreplaqué, Hans et Svet étaient enlacés, nus, sur un sac de couchage éventré. Pourchassé par les gargouillis de son estomac, Hans enserra la taille de sa compagne, gémit quelque peu, puis reposa sa tête rasée sur la poitrine chaude, bercée par les lents battements du cœur. Un frisson le secoua. Comme à l'habitude, Svet revêtait un masque. Elle avait l'habitude de porter celui-là pour dormir, un simple carré de coton grisâtre, ficelé aux quatre coins, couvrant sa gorge jusqu'au nez. Ses mèches vertes coulaient pêle-mêle sur le chiffon qui lui servait d'oreiller. Tendrement, elle pressa Hans tout contre son corps, lui frottant le dos pour le réchauffer, effleurant les côtes saillantes à la surface. Deux haccas chargés à bloc étaient déposés près du matelas, à côté desquels étaient étalées trois flasques d'eau, une boîte de conserve et le couteau Bowie, son manche toujours à portée de main. Hans connaissait bien l'histoire de la lame. Svet en parlait, parfois, pour chasser les mauvais souvenirs. Elle n'avait que 12 ans quand ses parents ont joint les cultistes du septième jour. Ils avaient tout donné au Preacher pour déménager avec les autres cinglés dans la communauté du Soleil Blanc. Personne ne lui avait rien dit à Svet. Personne ne lui expliquait jamais rien à cette époque-là. 4 ans à apprendre les prières, manger la bouillie, chanter l'Alléluia. Il l'avait traité de Jézébel une fois, que c'était sa faute s'il bandait, avant de lui casser un bras avec une barre à clous. Fidèle à la chorale, tous les autres cultistes étaient sur son cas. Il la réprimandait pour tout et pour un rien. Si elle faisait quelque chose, c'était mal, et si elle faisait l'inverse, c'était encore pire. 4 ans à oublier son nom, sa capacité de penser par elle-même, de formuler une opinion. Elle n'était plus personne. C'est précisément à ce moment qu'ils ont commencé à l'accuser de ne pas prendre d'initiative, de ne pas être assez proactive, positive, enjouée. Quand il sortit le fer blanc du feu, le Preacher jurait qu'elle allait retrouver le sourire. Hans pouvait à peine deviner la souffrance derrière le masque de Svet. C'est dans l'établi qu'elle avait trouvé le couteau Bowie. Son bras était guéri. Le Preacher ne pensait pas qu'elle pouvait être aussi forte. Même quand la lame s'enfonçait jusqu'à la garde, il la traitait encore d'incapable. « Bon matin !» murmura Svet amoureusement, appuyant son menton sur le crâne rasé de son compagnon. « grommela Hans. « Tu parlais dans ton sommeil plus tôt, » dit-elle affectueusement. « Mauvais rêve ?» Hans hocha la tête. « same old, » marmonna-t-il. « Les salauds me poursuivent la nuit. C'est pas grave. Je finis toujours par me réveiller. » Le rideau de pluie chutait délicatement sur la tôle, réverbérant sa mélodie chaotique. Refermant les yeux, Hans pouvait voir les rouages de son plan s'aligner peu à peu. L'enfance mutilée de Svet en faisait partie. La sienne aussi. Leurs sentiers se rencontraient dans les méandres du devenir. Tout se précipitait et la vitesse donnait le vertige. Le précipice s'ouvrait aux abords de chaque détour moqueur. « Été là, » continua Hans. « Je sais pas comment je pourrais y arriver sans toi, tu sais. » Svet déposa un baiser sur son front, à travers le tissu de son masque. « Je suis là, » chuchota-t-elle. « Je reste avec toi, peu importe ce qui arrive. »« J'ai peur, » admit-il. « C'est un signe que t'es encore vivant, » précisa-t-elle. « Tu peux pas tout contrôler. » Hans acquiesça, prit une grande respiration. D'une main, Svet glissa ses doigts le long des côtes saillantes de son amant, caressant jusqu'au bas du dos, jusqu'à tracer l'os du bassin, puis redescendre à sa hanche pour y reposer enfin. Elle hésita un instant, pensivement. Ses yeux se posèrent à son tour sur le manche du couteau Bowie. « C'est une dure leçon à apprendre, » avoua-t-elle. « Quand t'as nulle part où retraiter, tu peux juste aller vers l'avant. Puis si quelque chose se met dans ton chemin, tu fonces et tu t'arrêtes pas. » Elle serra Hans dans ses bras avant de conclure. « On est ensemble jusqu'au bout. »